Christophe, de fait, a toujours prévu. Jean-Marie Maillard va nous présenter les réalités de terrain qui, j'espère, ne sont pas encore tout à fait aussi terrifiantes que ce qui vient de vous être exprimé. Oui, alors, lorsqu'on m'a demandé de brosser les perspectives nationales, fusion, commune, association et d'en extraire les grandes tendances, j'ai répondu avec le fol enthousiasme de la jeunesse, mais oui, bien sûr, avec plaisir. Lorsqu'on se bat régulièrement en tant qu'élu avec la présidence de Paris 6 dans les conseils sur ces questions, et puis aussi étant élu à la CA du SNCS, où on voit le traitement, ou peut-être, je devrais dire plutôt l'esquive de traitement sur ces questions, on se dit plein d'une folle inconscience qu'on va facilement arriver à dresser ces perspectives nationales, ces tendances, ces grands invariants, les perspectives globales, et aller, j'ose le dire le mot, holistique. J'ai prévu avec des collègues que je placerai le mot holistique. Il ne me reste plus qu'à placer transsubstantiation, qui devrait être assez facile dans ce type de débat. Force est de constater que ces multiples casquettes de connaissances partielles du problème ne sont pas un gage de la compétence globale nécessaire pour remplir ce cahier des charges. Ceci étant, vous me direz, être multicasquette, incompétent, superficiel et léger avec un égo boursouflé, c'est peut-être l'assurance d'être d'autant plus à même de comprendre les présidents de ces prochaines communes qui nous sont imposées, car vous allez le comprendre, il n'y a pas d'alternative. There is no alternative. Alors, ceci étant dit, l'humour, le second degré et l'antiphrase n'étant pas toujours la chose la plus partagée, je vais redevenir sérieux et vous dire que je vais être contraint de modifier un tout petit peu le cahier des charges globalisant pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a malgré tout des limites à la posture. Alors, j'ai bien sûr essayé de dresser ces perspectives nationales et ces grandes tendances, mais je ferai ce que je peux, c'est-à-dire ce qui est peu. À l'impossible de les tenir. Et en bonne universitaire, je vais répondre à des questions qui ne me sont pas posées, en l'occurrence le passage en force vers la commuée à Paris 6-4, c'est-à-dire Sorbonne Université, car j'ai quelques anecdotes croustillantes récentes qui, j'en crois, en dépit ou peut-être du fait de leurs outrances, ont quelques valeurs universelles. Alors, en effet, il se trouve qu'assez récemment, certaines organisations syndicales de la FSU de différentes composantes de Sorbonne Université ont été reçues par le président du presse Sorbonne Université, et je ne résisterai pas au plaisir de vous conter les quelques aménagements avec la vérité et ou la logique dont nous avons eu la primeur. Effectivement, Sorbonne Université manquait dans les analyses de la deuxième partie. Alors, en débutant cet exercice globalisant, je pensais avoir toutes les réponses et j'imaginais l'intérêt de l'exercice et puis aussi ces parties fastidieuses. En gros, à la truelle globalisante, nous avons les fusions déjà réalisées, Strasbourg, Marseille et plus récemment Bordeaux, qui ont abouti à des mastodontes parfaitement dysfonctionnels, l'armée rouge ayant la légèreté d'une ballerine en comparaison de ces structures. Il y a toute la constellation de presse de la région Île-de-France que nous croyons connaître et que nous ne connaissons pas si bien que cela, en fait, et qui s'appellent tous Sorbonne quelque chose pour plus de lisibilité internationale. Et puis, il y a la myriade de presse fleurant bon les terroirs et la territorialisation de la recherche, tant voulu par nos baronnies socialistes. Alors, entre autres, on peut citer Université Bretagne-Loire, UBL, Lille Nord de France, Université Reims-Champagne-Ardenne, Université de Picardie, UFECAP. Donc là, on a tout un ensemble d'acronymes qui sont tous plus indigestes les uns que les autres. Languedoc, Roussillon, Sud de France, Centre-Val-de-Loire, Limousin, Poitou-Charentes, Université Valenciennes et du Houx-Combrésigne. Alors bien sûr, j'imaginais qu'il y aurait deux gros morceaux, Toulouse et Grenoble, qui mériteraient certainement un traitement à part, un traitement à façon dans l'analyse. Mais par exemple, j'imaginais que pour ces universités des territoires, j'allais être confronté à toute la complexité, la spécificité de ces territoires. Alors, peut-être puisque j'ai cité Limoges, Limousin, Poitou, Charente, j'allais voir les conséquences de quelques luttes fratricides entre les trois niveaux de franc-maçonnerie qui, respectivement, contrôlent la ville, le département et la région, se déchirer entre les trois possibilités offertes, à savoir la fusion, la commune et l'association, dans un immense choc entre la céramique de la région, la porcelaine du département et la porcelaine fine de la ville. Et je me voyais m'arracher les cheveux entre les études des différents cas, sous-cas, embranchements, arborescence, devant vous expliquer que dans le yin, il y a du yang, et dans le yang, il y a du yin. Eh bien, non. Inutile, dans cette pathétique histoire de putsch universitaire, de chercher à maintenir un suspense, parce qu'il n'y a pas de suspense. À l'exception des fusions déjà réalisées que j'ai citées, et d'une association entre Strasbourg et Mulhouse sur laquelle nous reviendrons, c'est partout la structuration commuée qui est imposée comme la seule solution possible, raisonnable, incontournable, indépassable, nécessaire, indispensable. Il n'y a pas d'alternative. D'ailleurs, on ne vous présente même pas les autres alternatives. Alors, cette unanimité appelle quelques commentaires. Nous sommes ici dans le dernier épisode d'un processus de destruction de la démocratie universitaire, dont les épisodes précédents s'appelaient les modalités électorales de la LRU, puis les presses et IDEX, et maintenant cette mutation de ces deux dernières structures en commuée. Alors, rappelons que lorsque les presses et IDEX ont été mises en place, et il conviendrait de dire, là aussi, imposées aux communautés universitaires, là aussi, sans grand débat, aucune concertation avec les personnels, les rédactions, par exemple, des IDEX se faisant en tout petit comité, souvent dans le secret, les conseils des universités n'étant consultés qu'une fois qu'il était trop tard, ou de façon très biaisée. Donc, quand il s'est agi de mettre sur orbite ces IDEX, on a juré craché auprès des jurys internationaux, des galloiseries du Grand Emprunt, composées de Philippe Aguillon et Philippe Aguillon et Philippe Aguillon, on a juré, signé avec son sang, que l'on s'engageait solennellement à ce que les presses deviennent des universités fusionnées. Certains presses qui, dans un premier round, ne s'engageaient à fusionner qu'à un horizon de 10 ans, reçurent de ce magnifique jury international le message très direct qu'il n'aurait pas l'IDEX, il ne s'engageait pas à fusionner, au pire, 4 ans plus tard. Message reçu et copie immédiatement refaite. Donc comment est-on passé en 2 années seulement d'un tout fusion à un tout commué, alors que les membres des cabinets ministériels de Pécresse à Fiorasso sont restés essentiellement les mêmes dans une continuité politique pro-LRU parfaite, n'écoutant que les seuls Salzmann, Mérindol, groupe Marc Bloch, et les seuls tenants de la territorialisation de la recherche. Alors la raison en est simple, les exemples de Marseille, mais surtout de Strasbourg, se sont révélés désastreux de bien des manières et fournissent des exemples fort peu présentables. Même si la fusion reste l'objectif qu'ils recherchent in fine, ils sont obligés d'avancer masqués en passant par l'étape commuée. Après tout, la fusion n'étant plus guère vendable, les communes présentent tous les attributs recherchés par nos oligarchies et baronnies territoriales. La commune assure tous les transferts de compétences, les abandons de souveraineté voulus, et surtout, si l'on multiplie artificiellement les membres de la commune pour franchir le seuil de 10 membres, on s'assure une représentation indirecte, détruisant l'insupportable suffrage direct dans les élections. Ainsi, Sorbonne Université vient d'intégrer tout récemment un club de pétanque de Boulogne-Billancourt. Non, c'est un petit établissement, une technopole de Boulogne-Billancourt. Mais enfin, c'est vraiment un tout petit établissement. Ce club de pétanque, enfin ce petit établissement, ainsi que l'INSEAD, avec ses 70 étudiants payant la bagatelle de 55 000 euros de droits d'inscription, auront chacun le même nombre de représentants au CA de la Commuée, qui est la structure importante, que par ici, ce qui compte plusieurs dizaines de milliers d'étudiants via une structure de grands électeurs à 2 ou 3 étages. Même Alain Minc, dans ses constructions d'emboîtement de holdings les plus baroques, n'avait pas atteint une telle perfection. Alors, les éléments de langage ont été donnés par le ministère, Madame Bonafou de la DGZIP, que l'on ne peut suspecter de conflit d'intérêts, puisque son mari est appelé à régner sur une commuée. C'est donc avec une belle et touchant unanimité que l'ensemble des présidents d'université et les présidents de presse appelés à devenir présidents de ces nouvelles structures ont entonné le même couplet du « il n'y a pas d'autre alternative que la commuée ». Alors, il n'y a pas à faire l'exégèse d'une unanimité fondée sur le zèle et l'intérêt bien compris d'une oligarchie. Concentrons-nous plutôt sur les déclinaisons de cette unanimité et sur les couacs de communication dus à des verrouillages encore insuffisants ou des éléments de langage maladroits de la DGSI. Alors, je vais prendre l'exemple de Paris 6, parce que j'avais dit que j'allais déborder un peu. Lors d'un simulacre de concertation dans les conseils, le président Chambaz, donc président éminemment politique, avait commencé en comité technique par une description assez surprenante des différentes possibilités de constitution de regroupement d'universités. Cette description de la commuée ressemblait beaucoup plus à une association qu'à ce qui est prévu explicitement dans la loi du 22 juillet 2013, à savoir un transfert irréversible de compétences des établissements vers cette commuée. Sa description, en revanche, du statut d'association correspondait, elle, à la caricature qu'en donne Mme Bonafoux, à savoir l'alignement pur et simple derrière un chef de file qui dicte ses conditions aux autres établissements. Alors, le pitch de son intervention était donc « Rassurez-vous, bonnes gens, il n'y aura pas de fusion, nous vous le garantissons ». Donc, on parle d'une phrase de l'association pour ne plus avoir à en reparler, et on brode sur la commuée, merveilleuse garante de l'indépendance des établissements qui la constituent. Il précisait de la façon la plus subliminale possible que l'élection ne serait pas directe, mais indirecte, bon détail, elle se ferait par un système de grands électeurs. Alors, en conseil scientifique, enfin, commission recherche du conseil académique, nous avons eu une déclinaison de cette présentation. Il n'y aura pas de transfert de compétences, c'est juré craché. Donc, vous vous rappelez les serments sur l'IDEX, on peut avoir confiance. Et une vente spéciale conseil scientifique sur le suffrage indirect, sur le mode, et là, je caricature à peine. Par ici, c'est un gros mastodonte, un gros macho. Il faut le suffrage indirect dans la commuée pour protéger les gentilles femelles que sont l'INSEAD et autres petits établissements. Alors ça devient une technique assez systématique du président Chambaz. Dès qu'il il est en position difficile ou indéfendable, il utilise un joker qui s'appelle la parité. Ici, l'idée était donc de supprimer la démocratie à cause de la parité, enfin d'une parité évidemment très réinterprétée, c'est encore meilleur. Et bien évidemment, tout vote sur ces questions est interdit. J'en viens aux entretiens récents avec le président Thiot. Donc l'homme est courtois, conseiller d'État, parachuté d'en haut, passablement ignorant des questions universitaires. Il a donc toutes les qualités pour être président d'un presse, puis d'une commuée. Conseiller d'État, comme il nous l'a raconté, il est président du presse à tiers-temps, s'occupant le reste de son temps de trois zones aéroportuaires, du Havre, Marseille et d'une autre, j'ai oublié, ainsi que de moult autres choses. Donc apparemment, il avait été repéré au Grenelle de l'environnement et au Lyon, on lui a demandé « Tu veux pas être président de Sorbonne Université ?» Alors, compte tenu de ce simple tiers-temps, il ne touche qu'une modeste prime de 2000 euros par mois. Enfin, je vous rassure, il y a tout le reste. Oui, c'est la crise, la vie est dure pour tout le monde. Alors, avec le président Thuot, l'argument de vente fut assez différent, centré sur les galloiseries du grand emprunt. Alors, je vous la fais courte. En deux ans, l'IDEX, nous n'avons pas été capable de dépenser, nous n'avons été capable de dépenser que 2 millions d'euros sur les 135 millions d'euros de l'IDEX. Bon, c'est la faute à ça, c'est pas parce qu'on est incompétent. Bref, on est en légère difficulté par rapport au jury international de l'IDEX. Vous savez, Philippe Aguillon et Philippe Aguillon et Philippe Aguillon. À moins que ce soit l'ANR, enfin, c'est pas très clair. Bon, disons, par rapport à l'évaluation de l'IDEX à venir, cela présente un peu mal. Et donc, il me faut un CA pour la commuée en juillet, là, tout de suite, pour voter les dépenses. Ça va être open bar. Alors, la seule façon de faire, c'est d'avoir le suffrage indirect. Le direct prendrait des mois. Cela ne tiendrait qu'à moi. Je serais plutôt pour le direct, mais les établissements constitutifs du presse veulent l'indirect. Ceci étant, je veux bien m'engager au direct après l'évaluation de l'IDEX en 2016, enfin, pour des raisons techniques, plutôt 2018. Mais bon, là, il faut faire vite. Donc je m'engage d'autant plus que les engagements verbaux reportés au calendrier grec, ça ne me gêne pas trop. Donc je vous résume. On supprime la démocratie pour des raisons comptables, essentiellement parce que les projets de l'IDEX étant une telle farce, on était incapable de dépenser quoi que ce soit, alors qu'on avait vendu l'IDEX, rappelez-vous, comme l'accession à une corne d'abondance vitale. Alors, effectivement, supprimer la démocratie pour des raisons comptables, cela a plus de gueule que parce que Paris 6 serait un gros macho. Nous parlons malgré tout à un conseiller d'État. Dans la vente des arguments liés à ce jugement du jury international, probablement emporté par un désir de calinothérapie syndicale, parce que pour supprimer la démocratie, bon, c'est bien d'avoir coché la case dialogue social quand même. Le président Thurou nous aura quand même dit que c'est vrai qu'on a été amené à dire certaines choses pour avoir l'IDEX. On avait été amené à habiller un certain conte de fées. Le mot est verbatim, hein, conte de fées. Bon, de tout cela, et sortant maintenant du cadre de Paris 6, pour être plus global, nous devons retenir que nos grands communicants ont raconté un peu n'importe quoi, l'important étant d'arriver à leur fin, à savoir la commuée avec son suffrage indirect, ses transferts de compétences comme seule option. Une fois la commuée constituée, on pourra toujours ad infinitum changer ses statuts, c'est exactement ce que racontait Bruno, peut-être si vous avez à retenir une chose, c'est celle-là. Une fois la commuée constituée, d'en haut, bon, voilà, les choses sont verrouillées et on modifie les statuts dans toutes les directions qu'on veut, avec tous les transferts qu'on veut, etc. Pour y arriver, de toute force, on était prêt à utiliser toutes les demi-vérités possibles. Alors, on constate par exemple sur la question du suffrage direct-indirect que M. Mérindol, dans son empire à lui, ou futur empire à venir, justifie le suffrage indirect en disant que faire voter 100 000 étudiants, ce n'est vraiment pas possible. Alors j'imagine que Montubert dira autre chose, que lui va faire une bonne commuée de gauche. Au début de mon exposé, j'ai cité un des rares exemples d'association, celle entre le mastodonte de Strasbourg et puis Mulhouse, qu'on pourrait voir comme un contre-exemple. Alors, il est amusant de voir que cette association, qui contredisait frontalement les éléments de langage de Madame Bonafou, furent dûment signées au ministère, mais en fait, elle correspondait essentiellement au but recherché, faire l'ensemble le plus gros possible. Strasbourg est déjà un mastodonte dysfonctionnel. Si on peut le rendre encore plus gros, certes via une association, faisons-le. Pour ce faire, on est prêt à renier toute logique, ou plutôt le peu d'apparence logique de son discours. Seul le résultat compte. Alors, revenons, et je terminerai par là, à des considérations plus globales, comme on me l'avait initialement demandé, et pour tout dire, nationales. Donc, on supprime la démocratie universitaire avec des arguments du niveau intellectuel du concours de Miss Monde, que les commuées, c'est l'indépendance des établissements partenaires et la paix dans le monde, et qu'il faut supprimer le suffrage direct pour des raisons comptables, parce que par ici, c'est un gros macho, et car faire voter beaucoup de gens, ce n'est pas moderne. Et tout ceci dans un silence assourdissant, sans qu'un Vincent Badi se lève et crie « Vive la République !» Non, vive l'université quand même. Alors, c'est vrai que nous ne sommes plus le 10 juillet 40, nous sommes plutôt dans un épisode de la Revanche des Sith, Star Wars épisode 3, où la princesse Padmé fait ce commentaire désabusé. C'est ainsi que meurt la liberté dans un tonnerre d'applaudissements. Alors, comment peut-on rejouer la prise du pouvoir universitaire par tout un tas de sénateurs Palpatine sans que personne ne bronche? Certes, notre milieu est fatigué, lassé, brisé, résigné avec cette abomination qu'est la LRU, et beaucoup de demi-habiles ont déjà fait plus que prendre le pli de cette nouvelle donne. Mais il s'agit, après les pleins de banderies, de nous porter l'estocade définitive. Alors là, il me semble indispensable et je prends ma casquette syndicale, de parler des complicités syndicales. Il est clair que... Alors, je ne parlerai pas du SNCS, étant SNCS, donc bien que j'aurais des choses à dire. Mais, il est clair que les dirigeants ou de la FSU ou du CNSU... il est clair que, par exemple, les dirigeants de l'UNSA sont à fond derrière ces réformes, même si leur base rechigne fortement. Et quant aux gains de CFDT, vous vous rappelez le rôle que Patrick Fridançon avait joué dans le soutien à la LRU de Valérie Pécresse, ce même Fridançon que la ministre de l'ESR, Mme Firasso, a nommé il y a 2 mois dans pour une mission officielle sur le doctorat. Alors, j'ai sous les yeux une page web du site SGEN du site SGEN du presse UVHC, c'est-à-dire Communauté d'Université d'Établissement Lille-Nord de France, commuée LNDF. Alors, ils écrivent sans honte, la Communauté d'Université d'Établissement Lille-Nord de France est une réalité. Il y a tout ça. Un développement. Nous saluons au passage l'effort de communication réalisé. Nous, SGEN-CFDT, pensons que ce nouvel outil qu'est la COMUE doit servir à favoriser les synergies régionales. Alors, je reprendrai les mots d'Yves Dupont dans son excellent livre « L'université en miettes, servitude volontaire et lutte des places », page 204, reprenant Jean-Claude Michéa, L'enseignement de l'ignorance, page 52. Il faut dire que pour imposer cette destruction américanisée de l'enseignement, les classes dominantes ont toujours pu compter au sein même du corps enseignant sur le soutien sans faille d'une organisation très étrange, le SGEN-CFDT, dont J.C. Milner a pu le dire qu'il était cette rareté, un syndicat d'enseignants qui réclame systématiquement l'abaissement matériel et moral de tous les enseignants. Voilà, j'ai fini. Vive l'université quand même.